Thank you. Plusieurs signes d'un pas trop par remis ce matin, c'est de ligne. Dites-lui de venir de bonne heure et qu'il ait son uniforme sous un manteau violet. Prince, c'est pour ce soir, car ce billet doit être d'une femme qui veut au bal me reconnaître. J'ai suivi le conseil d'ailleurs. Tant ici venu que pour chercher l'aventure. Non. Si. Mais alors, le complot. Oh, ce serait un crime que de faire monter Picard et Sublime sur ton splendide petit trône impérial, un maître. Ce café m'éternit, des malheureux abstrus, ils vous dressent la liste. Attends, ils ont tous eu la démence un peu triste. Thank you. Toute son insolence. À quoi donc vient rêver ici, fuyant le bal, le petit colonel? Thank you. parti, j'ai bien l'honneur de boire à Metternich, le destructeur du Bonaparte. Le destructeur du Bonaparte. Je le mouille un peu de peur qu'il parte. Bref, ce fameux héros, c'était mon petit, c'était un lâche. Vous en avez menti. Qu'est-ce comment me dire qui ça? Il est sauvé, quelqu'un a relevé la suite. Qui s'est perdu? C'est moi. Le disait le corps du marché à maison. Quoi? Vous me provoquant, vous qui représentez le roi, vraiment c'est drôle. Il s'agit de la France et je suis dans mon monde. Je parle donc le duel demain matin. Je n'ai que mon secret, monsieur. Je vous le donne. Rendez-vous en vagrant ce soir. Soyez-y. Mais je suis fidèle au roi. Serrons-nous dans la main avant de nous convaincre. Avez-vous pour Paris? Car j'y serai les quatre. Quelle commission, l'honneur m'en serait doux. Je compte être rendu dans l'empire vivant. Si pourtant, avant vous, j'étais dans le royaume.